mes souffrances. Et mets sur ton visage un éclat de bonheur. Et notre rap décollera tellement dans nos chanteurs. On le balance pour toi. On le bourre là là, bourre là là, balance pour toi. On le balance, on balance, on balance pour toi.

raisons acoustiques, ce test ne vous a pas paru évident. Si pour des raisons acoustiques, ce test ne vous a pas paru évident. Voici maintenant un moyen plus net encore pour contrôler la mise en phase. Hey! l'engouement est arrivé. Et je te le dis, refrain, arrête un jour de rouiller. Tu t'es mis dans la tête un jour de dépouiller. Et de bon matin dans la rue, tu vas t'exercer. Oui, dans ton rêveur, tu t'es dit breaker. Mais dans la tête des gens, tu n'es qu'un gros voleur. T'es fou, mec, t'es fou. Repars du bon pied et repars bien debout. Oui, t'es fou, mec, t'es fou. Repars du bon pied et ne reste pas sur tes genoux. Oui, comme un soir où tu te baladais seul à Paris. Tu as tapé un mec jusqu'à risquer ta vie. À partir de ce moment-là, les flics t'ont arrêté. Ils t'ont embarqué et t'ont tartiné. Ces salauds t'ont pris en photo, pancarte, en numéro. Jeté dans une petite cellule, sachant que tu déambules. Car t'es fou, mec, t'es fou. Repars du bon pied et repars bien debout. Oui, t'es fou, mec, t'es fou. Repars du bon pied et ne reste pas sur tes genoux. Tes copains sont sortis un jour avant Noël. Et t'es resté dans ta cellule tout seul avec ta haine. Et là tu t'es mis à réfléchir à toutes tes conneries. Et tu t'es dit qu'il fallait pas mettre tes parents dans l'ennui. Car t'es fou, mec, t'es fou. Repars du bon pied et repars bien debout. Oui, t'es fou, mec, t'es fou. Inutile de faire l'affront de me présenter. Tu me connais déjà, tu m'as déjà écouté. On me nomme MC Sledge, rappeur modeste et sans prétention. Alors mon pote, fais bien attention. Ce premier rap précurseur d'une longue carrière va donner la cadence à un train d'enfer. Je vais maintenant exprimer ma rage à ceux qui ne comprennent rien. Appelé Hippopien, moi je te vois d'ici. Ton regard méchant, ta dégaine trop bad. Ton aspect écœurant, tu joues les balèzes. Fais sentir ta haine, tu te prends pour le roi. Mais tu n'as pas la foi, t'as rien compris mon pote, t'as rien compris. Être un zoulou mon pote, ça ne veut pas dire voyou. T'as rien compris mon pote, t'as rien compris. Tu te prends pour qui? Moi je comprends pas ce que tu dis. Tu gâches ta vie, ne l'as-tu pas compris? Tu ne fais pas de rime, et tu ne fais pas de crime. Tire-toi. J'espère que tu as saisi ce que je t'ai transmis. Oublie le crack et la déprime, t'es tombé pour ça. T'as plus rien pour toi, tu manges plus, tu baisses plus, en fait tu ne vis plus. Rattrape-toi mon gars, le move est là pour ça. Pourquoi as-tu choisi cette voie à laquelle tu ne crois pas? Tu sais au fond de toi que la dépouille ne mène nulle part. Mais tu persistes tes signes et ton plus bas dans l'abîme. Relève-toi mon gars, relève-toi. La dépouille ou la foi, et être un roi, ce n'est pas un bon choix. Crois-moi mon gars, relève-toi. Moi, j'ai connu un mec dans les rues de Vitry. Il volait aux gens pour ne pas être fini. Car l'histoire a commencé quand sa mère l'a mise à la porte. Alors on l'a incité à voler pour qu'il s'en sorte. Il est issu de l'école sans ses bagages et s'est retrouvé tout seul avec le chômage. Les années ont passé, il a grandi et s'est laissé entraîner jusqu'à l'escroquerie. Voler de la thune jusqu'à dans les grands magasins et attaquer les pauvres gens quand il n'a plus rien. Oui, rends tout, comme ça tout ira bien. Rends tout, mais sois surtout bien malin. Oui, rends tout, comme ça tout ira bien. Oui, rends tout, c'est cela ton destin. Oui, tu as cru que ce bonheur durait l'éternité. Mais tu n'as pas pensé au jour où tu te ferais serrer. Où les keufs t'auraient quebra un calibre à la tempe. Maintenant tu penses tous les jours ici d'être mes décrans. Oui, t'as peur que la vérité vienne à ta gueule et explose. Et qu'elle tombe en face de toi en pleine métamorphose. Tu continues nu à barber à tous ces gens pleines thunes. Et les laisser rêver leur horoscope jusqu'à Neptune. Oui, rends tout, comme ça tout ira bien. Rends tout, mais sois surtout bien malin. Oui, rends tout, comme ça tout ira bien. Rends tout, mais va pas jusqu'au destin. Jusqu'au voir où tu t'es fait véritablement pécho. Là tu as compris ce qu'on appelle un rigolo. Car tu t'es mis à balancer tous tes meilleurs pacos. Ceux-ci t'ont cherché jusqu'à la mort et à bientôt. Oui, rends tout, comme ça tout ira bien. Voici Destiné qui va vous donner le rap. Destiné. Le message que je veux lancer est particulier et je l'adresse à un personnage contre qui je la rage. Ce mec est apparu brusquement dans ma vie et je sais que sans lui je ne serais plus là aujourd'hui. Et car grâce à lui j'ai enfin compris l'amour, ses détours et ce qu'il peut te faire endurer. Et car comme toi je suis fier plus que jamais et à présent, oui, je suis parée. Pour que tu te reconnaisses dans mes paroles, je te dirais que tu me trouvais un peu folle et que sur toi je ne pouvais pas compter lorsque j'avais besoin, oui, de te retrouver. Nous étions ensemble depuis 9 semaines et on se plaisait à parler ou à s'embrouiller. Mais commune était notre affectivité. Quand en rentrant de vacances, tu as tout cassé. C'était la foule d'un pauvre mec de cité qui devant toi m'a fait une sale renommée. Alors tu as eu honte, oui tu t'es vexé. Et de ces rumeurs, tu as tenu compte. Un soir je t'ai revu par le plus grand des hasards. Je me suis avancé vers toi et pour te demander si une nouvelle fois tu voulais bien, si une nouvelle fois tu voulais bien me raccompagner. Tu m'as répondu que c'était positif. En fait tu t'es bien servi de mon esprit. Et naïf, car durant 4 semaines, tu peux espérer. Tout en profitant de moi, je t'ai bien amusé. Que vous soyez bourge ou mec de cité, à présent, messieurs, c'est moi qui vous m'attrais. Que vous soyez bourge ou mec de cité, je souillerai votre honneur et vous tomberez à mes pieds. Elle s'appelle Destinée et elle va cartonner. Oui, car ses rimes cartonnent. En plus, je vous le dis, cette meuf-là est très bonne. Je te le dis, même si c'est la meuf d'un copain, je te le dis comme ça, ce serait très bien. Mais je vais arrêter, sinon je vais délirer. Et Doudou, dis-moi encore, tu peux rapper? Alors rap. Yeah. Oui, vous les mecs de Paris ou bien de la banlieue, vous n'avez pas trouvé à faire quelque chose de mieux qu'à instaurer dans ce pays ce petit mot défi qui se relèvera dans la tête maintenant, oui, jour et nuit. Paix et le mot amour sont dans mon cœur, et je te le dis, refrain, ils ne partiront pas de bonheur. En France, au States ou en Espagne, personne ne m'a encore dit que toi, tu les épargnes. Car le look méchant ou agressif te fait souvent sortir ta petite panoplie de griffes. On a essayé souvent de se mettre à ta place, mais comment essayer d'entrer dans ce corps de glace où toi l'exécuteur au sang-froid, oui, toi l'exécuteur, qui a-t-il en toi? Tu vas dire à tout le monde que tu es le plus fort. Ce que tu cartonnes en défi, tu le fais sans effort. Idéalisé, tu t'es mis à flamber. Et depuis ce jour-là, personne ne t'a vu travailler. Aspect de supériorité, on t'a bien effacé pour laisser place maintenant à tous ces plus grands danseurs et leur laisser la chance de devenir un jour les meilleurs. Maintenant, tu vas rentrer chez toi, l'air énervé. Et tu vas dire à tout le monde, tu t'es fait cartonner. Tu vas brancher ta petite radio, la mettre en stéréo. Et tu vas essayer de travailler tes palais plus beaux. Cela t'a servi de leçon, tu as très bien compris qu'il fallait arrêter d'engager tes petits défis. Oui, vous les mecs de Paris ou bien de la banlieue, vous n'avez pas trouvé à faire quelque chose de mieux. Oui, vous les mecs de Paris ou bien de la banlieue, vous n'avez pas trouvé à faire quelque chose de mieux. Je vous rappelle son nom, il s'appelle Doudou. Et quand il rappe, attention, il est loin d'être doux. Il vient de la ville, de Vitry-sur-Seine, le champ de ville où tu grandis, tu as la haine. Tu vois, je bafouille, mais je n'ai pas la trouille, parce que quand je rappe, je peux dire que j'ai des couilles. Et si tu vois ce que je veux dire pour t'introduire, alors vas-y, continue Destinée. Oui, je sais que tu m'en veux. Oui, je sais que tu es malheureux. L'amour n'est pas toujours fort, je te détourne, mais tu seras aimé à ton tour. Je sais que le mot cœur rime avec malheur, mais tu trouveras un jour ton bonheur. Et c'est donc de croire en ma pitié, et surtout pas en mon affectivité. À la soirée où je t'ai rencontré, que tu m'avais l'air d'être un peu paumé, je me suis apitoyée et je t'ai embrassée. Alors toi, c'était pour l'éternité, mais écoute bébé, oui je t'ai défoncée. Et pour moi, je te l'avoue, tu n'es qu'un saint un peu jouet. Alors adieu mon vieux, j'espère que t'as compris, et que pour nous deux, aujourd'hui c'est fini. Love. De retour à la maison, elle est encore là. Elle me dit qu'elle ne se fait pas de tracas. Pourtant, je sais qu'elle est en train de me baratiner. Et je sais que je vais continuer à lutter. Maintenant, laisse le temps entrer entre nous deux. Et n'y laisse surtout pas pénétrer ma grosse queue. Oui, laisse le temps entrer entre nous deux. Et il ne faut pas espérer que je sois le plus grand dieu. Le soir, la télé est aux actualités. Et tu es sur le sofa en train de pleurer. Tu aimerais mieux que je sois avec toi dans ton grand lit. À espérer que je te fasse la java pendant toute la nuit. Tes qualités sont fraîche quand tu me lèches. Pourtant je sais que tu n'es pas une princesse. Pourtant tes qualités sont fraîches quand tu me lèches. Et je sais que tu ferais toute la nuit sans cesse. Yes. Attends. la frimade sur les jeux de mots. Un genre hyper nerveux, histoire se défouler. Mais tu ne comprends aucune phrase, mon style va te faire crier. Car mon style est différent, je te dis ce que je ressens. Pour que les mots qui passent sont rien que soient étonnants. Car quand il fait chaud le micro, je te parle de mes pacos. Quelque chose te pousse à dire qu'ils ont un style de pro. Car je rap pour les flaggers, le b-boy et le fly guy. Des rimes cool ou cruelles, mais qui ne font pas de détails. La vérité toute simple, aussi dure soit-elle, ouvriront tes yeux sans aucune forme de zèle. Alors écoute mes paroles, tu en jugeras la valeur. Et si l'arbitre qui décide est vraiment ton cœur, à partir d'aujourd'hui tu diras que nous sommes de vrais rappeurs. Car mon fils, je le passe, approuve la suite. Et tu comprendras enfin ce que veut dire John le beat. Mon style, mon style, mon style est enfin prêt. J'espère que toi tu l'es, car ce n'est pas dans cette folie que tu pourras crier yeah. Car quand j'attrape le micro, je donne le tempo. Et c'est tapant une pause quand je te mets la dose. Car je rappe pour toi et j'assure le style. Un truc tordu comme un qui fait pas lire les imbéciles. Car je suis aussi forte que n'importe qui. Quand je suis sur scène, c'est moi qui te le dis. J'ai besoin que tu m'aides et que tu pousses ton cri. Car notre style assure, et sur ce domaine, il faut que tu me jures que notre style tu l'aimes. Car ma force est dans mes mots, mon courage dans mon style. Sors de l'ordinaire et ne te fais pas vivre. Aussi proche que je te donne, ne mets rien à part. Que ce soit bon ou mauvais, c'est un nouveau départ. Pour un mouvement qui bouge et grandit sans cesse, il ne faut pas le nier, ne pas avoir de faiblesse. Aussi change-t-il, aussi souvent que possible. Ne reste pas dans le coma où tu rattrapes ta cible. Car mon but est de te faire comprendre que le rap doit être aussi puissant que le micro que j'attrape. Le style est en moi, mais tu es la foi. Si tu m'accompagnes pas, je ne ferai rien de féroce. Alors bouge, danse, prouve ce que tu ressens. Le rythme qui circule et que tu trouves dément. Oublie ta tristesse et ouvre tes oreilles. Et tu verras que le rap n'a pas de pareil. Vas-y, bouge. Check it out, check it out, yo. Criminal Force, who, who. Check it out, check it out. Check it out, y'all, criminal forcé. Who, who. Que toutes les armes s'y protègent leur tympan. Car voici arriver les princes du boucan. J'ai nommé les criminels forcés. Les teenagers les plus meurtriers. Déjà tout petit, ils semaient la panique. Car dans la rue, ils étaient électriques. Orchestré par le DJ Racket à la console. Et quand ils donnent le scratch à ses boussoles, nous allons ravager le pays de part en part. Notre beat va passer comme un étendard. Nous allons t'offrir d'autres horizons. Autre chose que ta putain de prison. La galère, on te dit, c'est pas la peine. Le rap va bientôt couler dans tes veines. Ça commence, et on n'a pas fini. Criminel bossy, pire que des bandits. Panique, sueur, drôle de lueur. Pas d'erreur, ce sont des destructeurs. Néon blanc et bitume gris, assis sur un banc et l'air surpris. On leur a dit, nous sommes les criminels forcés. Qu'attends-tu alors pour te laisser aller? Passe ta mauvaise humeur dans cette minute de bonheur et oublie tes soucis avec ce bike de batterie. Yo, check it out, yo, criminel forcé. Je me présente, je m'appelle MC Sly. Quand je monte sur la scène, il n'y a pas de fight. Tout le monde commence à bien me connaître. Et c'est pour ça que quand je décide de rapper, tous les MC se mettent à rengainer. MC Sly, he's on the mic. MC Sly, he's on the mic. Et ce n'est pas pour rien que les nanas craquent. Quand je débite à la suite des tas de rimes, c'est alors que tout devient sublime. Et c'est bien pour ça que dans ce rythme infernal, tout le monde remarque que je suis impérial. Dans ce rap ardu, je te dis d'une voix crue, le rap n'est pas fini dans ce monde infini. MC aujourd'hui, MC pour toute la vie. Ça est arrivé pour te faire vibrer avec le son des criminels forcés. Danse, danse, danse toute la nuit. Et c'est là que tu verras que le cafard te fuit. Écoute, écoute cette musique divine qui te fait vibrer jusque dans la poitrine. Ouvre-la à tous ceux qui veulent la connaître. Et démontre bien à tous ces êtres que le rat ne veut pas devenir une musique de bouffon. Et que ce sont bien tous ceux qui la font, que l'on appelle les radeurs de Paris. Et en Angleterre que l'on nomme les MC. Master of Ceremony en anglais, maître de cérémonie en français. Master of Ceremony en anglais, maître de cérémonie en français. Écoute, écoute le son de ma voix, car sans cesse il sera auprès de toi. Yo, check it out, check it out, yo. Je me présente maître Jessico, force du tempo et du rythme endiablé. Le rap qui crie et qui s'impose, alors ne soyez pas surpris si vous avez votre dose. Je suis MC dans cette grande partie, et j'ai bien l'intention de le rester à l'infini. Car quand Jessico est au micro, c'est lui qui frappe et on le dit bien haut. Je n'ai rien à branleur, j'ai l'âme d'un destructeur. Car pour se faire un nom, faut pas jouer les bouffons. Certains sur scène rappent comme des dagues, moi je montre l'axe et je pose mon flag. Le micro à ma gauche et le coq à ma droite. Je le dis bien haut, mon nom est Jessico. Un peu charmant. Non mais pas pour sa violeur. Pour moi les meufs c'est pas du bluff. Alors toi qui n'as jamais de veine, à toi donc de reprendre ma rengaine. Car devenir ainsi c'est une longue histoire, et je ne le suis pas devenu par hasard. Mais n'oublie pas mon nom qui sonne comme un canon. Jay-Z Cole en face du Dinko. Ma criminal forcée, yo. Criminal check forcée. It out, check it out, yo. Check it out, check it out, yo. generate a vibration of sound that will devastate my rendition of my reputation. This mic is my 4-5 bomb, the ammunition to destruct and destroy all competition foes, new jacks and your toy boys. You better beware, don't stop and stare, cause there's an nasty scent of hardcore in the air, and we intend to knock down as we climb to the top with this power of the rhyme. The rhyme. My breakdown of rhymes is simple fundamentals. Now you will understand why the cooler and the rhyme is popular demand. Chit chatter, keep it patter, hands start to clap, foes flee and scatter all over the place. Take it stride for stride, foes run, but from me you can never hide. Get this attention, I always be moved just by the sound of my voice. I get you in the groove, cause in the back of my mind I know that I'm the chosen one who possess the power of the rhyme. The rhyme. Me connaissez, mais je crois pourtant avoir une drôle de galon. Mais oui, c'est celle d'une meuf un peu tarée, mais qui sait ce que c'est que de s'éclater. Je me présente, mon nom est destiné. Je ne sais pas vraiment rappeler, mais je vais essayer de vous faire passer mon message, même si mes paroles ne sont pas très sages. Le sexe représente pour moi ma devise, et j'avoue que sans lui la vie est un peu grise. Il te faudra d'abord, si tu veux mon corps, te prouver que tu pourras rester jusqu'à l'aurore. Et mec, mais c'est surtout pas de me mentir, oui, car je sais que ton sexe grandit de plaisir à l'idée que je pourrais t'appartenir. Un message que ta naïveté me fait bien rire. Les rappeurs s'étaient mis à nous chanter des pleurs, quant à moi je suis là pour relever leur erreur. Je ne suis pas vraiment rappeur, simplement amoureuse, une chose qui sait au moins me rendre heureuse. Oui, je vous parlerai du sexe, ceci sans complexe, et je m'adresse particulièrement à mes ex. Qui me donnera enfin ce dont j'ai besoin, un peu de tendresse et surtout des caresses, là où le plaisir dire passe, beaucoup d'objets très passe. Il me faut donc, oui, trouver pour de bon. Il me faut donc, oui, trouver pour de bon. Trouver celui qui saura me faire jurer à London. Donnez-moi un lit, un matelas ou une chaise, et je saurai sans problème faire passer les malaises. Attention, mon nom à moi, c'est destiné. On ne prenne pas pour une vulgaire prostituée. Attention, je m'appelle simplement destiné. Attention, je m'appelle simplement destiné. Je suis là pour m'exprimer et ceci sans vous faire payer. S-E-X-E-Sex. Il nous faut libérer le sexe, ne plus avoir, non, aucun complexe. Il nous faut libérer le sexe, sous aucun prétexte ne vont nous rester perplexes. Je m'adresse à ceux et celles qui se bloquent quand dans une discussion le sexe prend place et évoque la maladresse, le stress qui dans un couple naît tout simplement parce que la peur les agresse. N'ayons pas honte d'avouer, de chanter nos volontés si l'on veut jouir. Pourquoi ne pas le dire, femme ou homme frustré, il faut te libérer, crier tes besoins ou envie à l'humanité. Hurler, que c'est agréable, oui, sur une table. Murmurer, que ce fut bon, oh Seigneur Dieu, j'implore votre pardon. Sache que ces mots ne sont ni osés, ni vulgaires. Ok, je suis une meuf qui rappe des textes pervers, mais malgré tout, mes pensées restent lucides, et devant tes propositions, je demeurerai placide. Destination danger. On sexe. Auriez-vous des complexes? Oui, sexe. Et ceci sans complexe. Oui, sexe. Et ceci sans complexe. Pas besoin de cuillère, d'avant en arrière, pas besoin de gadgets, c'est vraiment trop bête. Tout simplement, un homme en bonnet du forme qui puisse me faire crier sans vouloir payer aucune somme. Keeping it up. Uno, two, tres, four. Pick up on this.

I'm Eric B. My name is Rakim. Yeah, I'm here chilling with my brother Ant live from Corona. And the God Supreme from Fort Greene is in the house. You know it. And we chilling with my man, Cool DJ Red Alert from 98.7 Kiss FM. True. Stage is empty. A beat like this might tempt me to pull shoulder rings and my back on chain. Grab the mic like I'm on Soul Train, but I wait, cause I master this. Let the others go first so the brothers don't miss. Eric, break the sticks. You got it! My game again when you make the beats. I'm experiment like a scientist. You wanna rhyme? You gotta sign my list. Cause I'm a manifest and bless the mic, I hope you want an X. Then you gotta have soul. Cause if you ain't got it, I'ma make a encore. Take the mic, make the people respond for the awe. Cause that's the way it'll have to be. If you wanna get on after me, think about it, wait, erase your rhyme. Forget it, and don't waste your time. Cause I'll be in the crowd if you ain't controlling it. Drop the mic, you shouldn't be holding it. This is how it should be done. This style is identical to none. Some try to make it sound like this, but you're getting me. Soft says it, I'm ready to explain. I drip steam like a microphone theme. Ego to MC is my theme. I get hype when I hear a drum roll. Rakim is on the mic, and you know I got soul. Say my name. First of all, I'm the soloist, the soul controller. Rakim gets stronger as I get older. Constant elevation, cause expansion. I write my rhymes while I'm cool in my mansion. Then put it on tape and in the city I test it. Then on the radio, the odds request it. You listen to it, the concept might break you. Cause almost anyone can relate to. Whoever's out of hand, I'ma give them handles. Light them up, blow them out like candles. Or should I just let them out? To give them a hand so they can see how I felt. I'm not bold, just cause I rock gold. Rakim is on the mic, and you know I got soul. Soul, soul, soul. You got it. You got it. You got it. Radio Nova is kicking live. I'ma stop to see what you got. Get off the mic before it get too hot. I wanna see which posse can dance the best. It should be easy, cause the beat is fresh. Town feel from uptown, Brooklyn bound. The Bronx, Queens, and Long Island Sound. Even other states come right and exact. It ain't where you're from, it's where you're at. Since you came here, you have to show and prove. And do that dance until it don't move. That's all you need is soul, self-esteem, and release. The rest is up to you. Rakim or say peace. Like a red alert. Reach it to reflex and let it work. When

if you just let me own the microphone. Own the microphone. Own the microphone. Jeff Robs, I'm sending. Open up your mind. Open up your mind and let my voice in. Listen to the. Listen to the. Listen to the ace as I rock the place. Release a Jeff Rob. Release a Jeff Rob to this earthquake face. Call. Listen, listen, listen, listen to the mix. Listen to the mix. To the man. to do.